Atzo ebitxorten hartin bidia lehakor eta desnibela ekin zen. Ezor bazk lasterkaldia ekuatu behar izan badie bospa 6 minutaz larabilen hamahio bizikleta joi behitzien heltzia maule gainean harri-garria zen. Azken egunaldi juntan bizikleta kaiak akituik agertu dia, ez da bortxaz egunaldi aizabat izan. Aitor Agirre parte hartzalia. Gaurkoa oso gorra esan da, eguraldi txarra, da karreterak zikin-zikinak eta oso peligrosua. Ba, niretzako zogorra junda, karrera azkarra junda eta nesta ez bukatu taldekideei laguntzen toko zait. Hale azpimarratzeko da bigarren aldiko zezor bazken istoien iparaldeko batek jabazten jala, gari larnie jatsuko. Jabaz lehandia oso kontenta gertu da goe mikroan. L'année dernière j'étais déçu parce que j'avais perdu pour quelques points et là hier soir limite j'avais pas un petit stress mais j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et tout parce que je voulais vraiment gagner le général parce que bah, c'est, je pense c'est symbolique. Pour tous les cyclistes du coin, surtout qu'il n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Et voilà, je pense que là, je réalise pas trop, mais plus tard, je serai quand même fier d'avoir fait ça, quoi. Eran behar da urten ezor bazkaen berrogeita hamar urten kai, arrakasta ezer abildu diala txapelketak, berri unbat parte hartzalekin, ondoko urten tako heltzia maule gainean egitea pentsamentukatuko die, lekia hanitz kustatu beitzaie.